Bon, le sujet de la soirée, balancer ses vibrations. Plus ça va bien, moins on y pense. Plus ça va mal, plus on y pense. Pourquoi? Parce que quand on est débalancé, on pense à se balancer. Quand on est balancé, on se dit « Pourquoi je penserais à ça? » Le problème, c'est que quand on est balancé, on n'étudie pas, ou on ne regarde pas, ou on ne voit pas qu'est-ce qui nous balance. Ça, c'est en soi une erreur. Quand on est capable de voir qu'est-ce qui nous fait du bien ou qu'est-ce qui nous équilibre, puis la raison ou le pourquoi, puis que ce ne soit pas des raisons psychologiques, mais des raisons réellement vibratoires ou occultes, là, on a des bonnes chances de savoir qu'est-ce qui va nous débalancer et donc, conséquemment, de savoir quand on est débalancé, qu'est-ce qui se passe. Et quand on est débalancé et qu'on sait ce qui se passe, bien, on peut travailler à ce que ça se rebalance. Tandis que quelqu'un qui n'a pas fait l'étude de qu'est-ce qu'il débalance ou le balance, bien, quand il est débalancé, il est vraiment victime parce que là, il est obligé d'attendre que le hasard le replace sur le bon chemin. Quand vous êtes malade, en général, vous vous traitez le corps, mais vous ne pensez pas que c'est votre esprit qui vous a mis dans cette condition-là. Vous ne pensez pas que c'est une façon que le corps a de vous avertir que vous êtes en déséquilibre. Vous prenez ça comme une fatalité. Alors qu'en réalité, une personne qui se guérit, elle ne se guérit pas corporellement. Elle va arrêter le processus corporel d'infection ou de déséquilibre, mais la capacité de se rééquilibrer vient des événements et de ce qui nous influence, de ce qui nous impressionne, de ce qui nous fait penser, puis de la façon qu'on pense. Donc, quand ça va bien, vous devriez regarder ce qui fait que ça va bien. Vous allez me dire, ah, ben j'ai de l'argent. Ah, j'ai de la présence. Ah, j'ai de l'amour. Ah, j'ai des gens qui s'occupent de moi. Oui, c'est une partie de la vérité, mais il y a aussi comment vous le recevez. Il y a des situations où les gens sont aimés puis ils ne le voient pas. Puis il y a des gens qui sont extrêmement susceptibles, qui vont avoir tendance à regarder de la présence comme étant du harcèlement. Donc, il y a qu'est-ce qui se passe autour de vous autres, puis il y a vous autres en tant que récepteur. Si vous êtes récepteur d'une charge positive puis que vous la transformez en climat émotionnel négatif, parce que vous établissez que c'est passé. Tu sais, quelqu'un dit, ça te fait bien aujourd'hui, ta robe, puis tu dis, arrêtes-tu de moi? Bien, c'est bien évident que l'impact positif que c'est supposé avoir sur ton état mental de cette journée-là, qui est celui d'être bien dans ta peau, va avoir l'effet contraire, tu vas penser que l'autre t'harcèle. Fait que le phénomène de l'événement, et il y a le phénomène du récepteur. Quand vous avez à balancer vos vibrations, l'élément réception est bien important. Fait que la réception, c'est la lecture que vous faites de vous-même. Fait que quand vous avez une perception négative de vous-même, c'est évident que peu importe la situation positive dans laquelle vous êtes, vous avez des grosses chances soit d'être au neutre, point, ou de le lire négativement en interprétant à l'inverse de ce que l'intention de l'autre veut vous faire vivre. Et que si la personne vous fait vivre un bien-être puis que vous avez une interprétation qui est négative, bien, vous allez inévitablement vous placer en réception négative. Donc, vos vibrations se débalancent indépendamment de l'événement. Donc, la réception, c'est le premier niveau qui permet à un individu de balancer ses vibrations. Comment qu'il reçoit ce qui se passe autour de lui. La lecture que vous avez de vous-même, elle est en général fondée sur de la mémoire. Vous prenez une personne qui est libre de sa mémoire, puis ce qui se passe autour, ça va devenir sa réalité immédiate. Mais si la mémoire se met en marche, puis qu'il y a une avalanche, par exemple, on est dans une zone d'éclipse présentement, fait que s'il y a une avalanche de mémoire négative qui se présente, bien, la mémoire étant remise en surface par un événement X, même si l'événement est positif, vous allez finir par aboutir dans une lecture négative de la journée ou de la situation. Donc, vous allez continuer à débalancer vos vibrations. Donc, il y a des débalancements qui peuvent être déclenchés de l'extérieur. OK? Mais tout ce que l'extérieur peut faire, c'est déclencher quelque chose. Que vous autres, vous allez amplifier positivement ou négativement. dans mon cas, je suis un gars qui a appris à dealer avec le rejet dans ma vie. Puis pour moi, c'est pas compliqué. Il n'y a pas grand monde qui peuvent m'accepter tel que je suis. Donc, si je suis reçu à 3%, 5%, je trouve que c'est une bonne journée. C'est assez difficile pour du monde normal de considérer que 3% d'acceptation, ça va bien. Hein? Bon, après-midi, pas après-midi, mais tout à l'heure, quand j'ai été souper, il y a un bonhomme que je parle souvent avec. Mais là, je travaille à soir, je ne veux pas me faire déconcentrer, fait que j'avais pas le goût d'y parler. Je dirais juste, je t'occupais à soir, je fais une conférence. Mais pour lui, c'était pas la bonne réponse. Il voulait absolument que j'y parle. Fait qu'à la fin, quand je suis parti, en gros bébé, il disait, en tout cas, je suis content de t'avoir vu, ça fait ça de prix au moins. Lui, il n'a pas fait la lecture de mon besoin, tu sais. Il a fait la lecture de son besoin. Cet gars-là, il est vulnérable. Parce que l'événement de me rencontrer, qui est en général positif dans sa vie, il l'a rendu négatif. Puis, sans que j'aie aucune intention de la rendre négative, j'ai été poli tout le long. J'étais en train de lire mon journal, puis il me coupait tout le temps, puis j'y répondais en lisant mon journal. Mais il va quand même finir sa soirée avec du boudage. C'est lui qui crée son débalancement, c'est pas l'extérieur. Vous me suivez? C'est pas parce qu'il pleut que ça va mal dans votre vie. C'est parce qu'il pleut que vous savez pas quoi faire quand il pleut qui fait que ça va mal dans votre vie. C'est vous autres qui créez la situation de déséquilibre. C'est jamais l'extérieur. L'extérieur déclenche. Moi, j'ai été pour le gars un déclencheur d'un événement que lui qualifie de positif en général, mais là, je n'étais pas disponible à ça. Cet élément déclencheur-là, où dans sa mémoire, c'est genre, je vois Daniel, j'ai du fun, mais là, aujourd'hui, c'est Daniel veut pas s'amuser avec moi, donc il n'est pas fin. Donc, il me rend malheureux. C'est comme ça qu'il va lire ça. Mais en réalité, c'est lui qui se rend malheureux. Parce que je ne suis pas disponible. Donc, la lecture qui se fait de lui-même, c'est que je ne suis pas capable de m'amuser de ça. J'ai besoin de quelqu'un. Fait qu'une personne qui est vraiment faible ou qui a une attitude vis-à-vis de la vie qui est vraiment négative va avoir tendance à se détruire tout seul, donc à se débalancer continuellement, vibratoirement, parce qu'elle a une mauvaise lecture a priori de sa personne. Quand je dis une mauvaise lecture de sa personne, ça veut dire que comment qu'elle reçoit son extérieur est toujours déséquilibré. Elle a une perception d'elle-même qui ne va pas bien avec l'extérieur. Donc, même si l'extérieur lui donne la réponse qu'elle veut avoir, elle va quand même penser que l'autre lui cherche des puces. Vous en connaissez des psychotiques du genre? Bon, ben, à ce moment-là, ça fait des êtres qui sont... C'est un cas particulier, là, je ne peux pas vraiment l'écrire. Ça fait des êtres qu'il faut toujours que ça soit balancé par les autres dans des conditions qui sont extrémistes. Style, il faut qu'ils tombent malades, crise cardiaque, puis qu'il y ait du monde qui s'occupe d'eux autres pour avoir l'impression qu'il y a vraiment du monde qui s'occupe d'eux autres. Mais que des petits gestes d'attention, c'est passé inaperçu, mais que des petits gestes négatifs sont toujours plus gros que la moyenne. Ils sont naturellement débalancés. C'est des êtres débalancés. Bon, comment qu'on balance ces vibrations si on est un être naturellement débalancé? Bien, premièrement, on se fait dire par quelqu'un pour qui on a une certaine crédibilité, qu'on est vraiment débalancé, taré, puis prêt à mourir, que ça ne vaut pas la peine de vivre cette planète-là. Puis la personne, une fois qu'elle a détruit toutes ses attentes d'être heureuse, tout ce qui peut faire du bonheur, va la rebalancer. La seule façon de mettre quelqu'un négatif à zéro, c'est de faire aller au bout de son négatif. Puis une fois qu'elle est dans le fond du baril, elle peut juste remonter. Mais si le fond du baril, c'est de mourir, bien, qu'elle meurt, Christ. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comprends-tu? Bon, qu'est-ce qui fait qu'une personne va pouvoir se balancer personnellement? Donc, elle va être capable de balancer ses vibrations. C'est qu'elle va être capable de lire quand est-ce qu'elle est négative, et quand est-ce qu'elle est positive? Quand tu commences à savoir comment tu te fais percevoir ou comment je te dirais ça? Tu lis les pensées de ton environnement ou les événements autour de toi comme étant positives ou négatives. Là, quand tu commences à lire ça, tu te rends compte que c'est pas la vie qui est un problème, c'est la lecture que tu en fais. Fait que là, si tu es capable de voir que c'est la lecture que tu en fais, Ben, tu as juste à changer ta lecture, puis tu vas avoir la vibration que tu veux. C'est pas l'événement qui est un problème, c'est comment je le lis. Plus je suis capable de lire des choses qui sont considérées négatives dans la société, puis d'être capable de traiter avec, plus j'ai de l'ordre dans la tête, dans le chaos. Le monde aujourd'hui, il vit avec le chaos dans la tête, puis l'ordre social, collectif. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va être le chaos dans la collectivité? Ça commence, là. Tu vois du monde qui ont capoté là, quand le pétrole était théoriquement à 1,80$. Là. Tu sais, c'était pas grave un peu, là. Ça capotait sérieux, là. Quand ça va être des vrais événements capotants, qu'est-ce que tu vas faire si tu as le chaos dans la tête puis qu'il y a le chaos dans la société? Le chaos dans la tête, quand la société va bien, tu peux toujours maquiller. Tu peux toujours dire ce que les autres disent pour avoir de l'aide d'eux. Tu peux transformer ton état en semi-vérité vers l'extérieur en faisant du acting. Mais quand tu as le chaos dans la tête puis le chaos dans la société, tout le monde est fou. Tu vas capoter sûr parce que tu n'as pas d'ordre dans le mental. Les gens qui n'ont pas d'ordre dans le mental, il lui reste 4 ans à vivre. Je vous dis ça parce que ça va aller bien mal. Puis le chaos dans le mental, dans un chaos social, ça rend fou. Puis tu n'es pas capable de balancer tes vibrations quand tu es dans le chaos mental. Parce que tu n'as pas de bonne lecture de toi-même. Tu es dans une lecture qui est toujours négative. Tu es toujours en train de regarder l'autre comme un ennemi. Tu es toujours en train de regarder les événements comme une situation qui veulent ta peau. Puis quand vous êtes dans cet état chaotique-là, ce que vous pensez comme quoi tout est agressant, c'est réel. Parce que vous allez rendre l'événement réel. Vous allez rendre une personne qui est neutre devant votre situation terriblement agressive de voir que vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il s'en fout ce que tu vis. Il est neutre. Mais là, à un moment donné, tu vas l'exaspérer avec tes questions, ton harcèlement, ta façon de faire, etc., etc. Puis éventuellement, il va devenir un vrai agresseur. Mais là, tant qu'il est dans un ordre social, il est capable de se contenir devant ton chaos mental. Mais un jour, l'ordre social va l'empêcher d'être tolérant devant ton chaos mental, parce que lui aussi ou elle aussi va chercher de l'ordre. Fait que les gens qui vont chercher de l'ordre pour se libérer d'un chaos extérieur vont chercher des gens qui sont de l'ordre dans le mental. Si vous avez du chaos dans le mental, vous êtes des éléments de rejet. Un élément de rejet, si tu deviens un élément de rejet parce que tu as du chaos dans le mental, pas besoin de te faire un dessin que tu n'es pas capable de lire du rejet comme étant un exercice pour te développer. Hein? Tu n'es plus dans cette patience-là de te développer. Là. Fait que là, tu vis une élimination systématique de toutes les structures qui sont intelligentes, puis là, tu es fait à l'os. Pas drôle, hein? Fait que balancer ses vibrations, c'est bien important, bien plus qu'on pense. Parce qu'en situation extrême de survie, c'est juste les gens balancés qu'on va vouloir avoir dans notre soupe. Parce que c'est eux autres qui vont nous permettre de trouver des solutions. C'est eux autres qui vont nous permettre de voir qu'il y a un échange possible entre les deux parties. Puis que ce n'est pas des échanges sur des attitudes financières ou des attitudes professionnelles. Ça ne s'achète pas, l'échange. Tu ne peux pas dire, je vais te donner 100 000 $ puis je vais être en échange avec toi pendant 20 ans. Ça ne marche pas de même dans une situation chaotique. Les gens, ils veulent avoir des ressources en termes de willing d'action, là, de capacité de se mettre en mouvement, qu'il y a une certaine autorité à prendre position pour s'adapter. Puis ça demande une lecture de toi-même qui est positive, une lecture de toi-même qui est active. Une lecture que tu fais que quand un événement va mal, tu es axé sur la solution, pas sur le problème. Puis tu ne peux pas, à un stage de ta vie, lancer de l'information pour avoir de l'aide. Quand tu es dans le chaos, là, la décision que tu prends elle a des conséquences graves, puis tu es obligé d'agir sur quelque chose qui va avoir des résultats à très court terme. Fait que les bullshitters sont vite éliminés dans une situation comme celle-là. Donc, si balancer ses vibrations, c'est une affaire de réception, c'est aussi une affaire éventuellement de manifestation pour situer une vibration qui va nous mettre sur le terrain de la solution. Depuis quelques semaines, le monde me dit « j'aimerais ça parler sur le contact ». Bon, j'ai écouté bien mes petits comiques là. Quand vous voulez vraiment parler sur le contact, il vous faut affirmer des choses. Puis pas affirmer dans le sens d'informer. Affirmer dans le sens de vibrer dans la parole quelque chose qui va vous permettre de prendre une direction, une ligne directrice. Tu reçois, tu lis, tu es prédisposé dans ta lecture à t'en aller dans un mouvement. Mais ton mouvement, il est encore insécurisant parce que ça, la réception, c'est un processus interne. C'est quelque chose qui se passe entre toi et les forces. Mais ça, c'est l'aspect vertical. L'aspect horizontal, c'est dans la manifestation. Tu dis, ouais, les événements veulent me faire changer de travail. Ça, c'est de la réception. Quand tu veux savoir si tu vas changer de travail, tu dis, bon, je vais m'en aller vendeur d'automobile. En le disant, tu vas le vibrer. Puis en le vibrant, tu vas savoir si c'est ça. Et là, c'est pas une affaire de crier fort dans la maison pour vous faire vibrer dans le sens émotionnel du terme. C'est dans le sens de dire les choses, de le parler, de l'affirmer. Idéalement, c'est de le parler à quelqu'un sans qu'il te donne son point de vue. Juste pour sentir comment ça vibre. Et non pas pour lire une information que tu connais déjà, là. Pour lire une vibration et être enclenché dans un processus de solution. Des fois, c'est à moitié ça. C'est vendeur. C'est pas automobile. Vendeur. Après ça, tu dis, parle aux autres. C'est pas vendeur. Parle aux autres. Vendre des idées. Vendre de la forme. Me vendre quelque chose. Faut tout le temps que ça soit absent de réflexion. Puis là, tu le vibres à un moment donné, puis là, ça tombe, le 25 cents tombe dans le slot. Puis là, c'est comme, bon, oups, c'est ça. Je le dis, là, je le sens. Je le dis, je le sens, ça veut dire que je le dis, je le sens, je le solutionne. Tandis que je le dis, je m'informe, puis je vérifie, ça vaut rien. Ça vous balance pas, ça. Le vérifier, dès que vous êtes dans un processus de vérification de la vibration, vous êtes en dehors de l'affirmation que je vous parle. Vous ne pouvez pas balancer quelque chose que vous avez à vérifier. Vous êtes balancé sur quelque chose que vous sentez, qui va vous mettre sur la traque de la solution. Qu'est-ce qui vous balance? C'est la solution. Qu'est-ce qu'il faut pour trouver la solution? Il faut avoir une bonne lecture de soi-même. Qu'est-ce qui nous met dans la cave puis qu'est-ce qui nous met au ciel? Qu'est-ce qui nous rend négatif? Qu'est-ce qui nous rend positif? Je me levais le matin, je ouvrais ma porte, puis je disais « ar, ar, ar, ar, ar, ar. » Là, les chats me mettaient en chose. Je dis « Là, je t'avais d'en tuer un. » Fait que, je dis là, j'ai dit au fort, j'ai dit là, avant que je fasse un massacre, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit « Faut que tu rouvres la porte, puis tout de suite, là, tu dises « Ah, ouais, là, je fais ça, ça, ça, ça, ça. » Plutôt que de rester sur l'aspect négatif, récepteur de « ça va mal », tu rentres dans l'élément positif, actif d'une capacité de faire quelque chose. Puis là, quand j'ai pogné la grippe, je dis, vont-tu me donner un break? Il dit, ils ne donneront jamais de break, les chats. Jamais. Il va toujours falloir que tu sois proactif. Puis là, j'ai essayé ça avec la grippe, proactif. Tu sais, puis pop. Mais fuck, je te fais des meilleures journées à lire ma journée en commençant sur le pied de guerre. Façon de parler de pied de guerre, là, en étant proactif. Fait que je ne suis pas juste proactif à faire une heure de ménage. Il me reste bien des heures dans la journée où je garde mon proactif de ma première heure de la journée. Fait qu'ils me mettent ses moves. Tandis qu'avant, je me levais, j'étais négatif. Ça me prenait 5-6 heures avant de décoller. Je m'assoyais devant le computer, puis tu sais, j'étais marabout. Tandis que là, je suis toujours de bonne humeur. J'ai changé ma lecture. Plutôt que d'avoir une lecture négative, j'ai tombé dans une lecture proactive. Je ne te dis pas positive. Le proactif t'emmène à quelque chose de positif. Avec la réception, lecture, après ça, il faut que tu te manifestes. Il faut que tu tombes en mode action. Manifestation, ça peut être parler, ça peut être poser aux actes, mais il faut que tu ailles chercher une vibration. Pas de l'information. Lâchez-moi l'information. Il faut une vibration, puis ça t'emmène automatique dans la solution. Puis quand tu es dans la solution, c'est là que tu commences à balancer tes vibrations. Évidemment, les gens vont dire, moi, ce qui balance mes vibrations, c'est que ça aille comme je veux. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas grand-chose dans la vie qui vont comme vous voulez. Par contre, si vous êtes proactif dans quelque chose qui ne va pas, vous allez trouver le filon de ce qui marche, de ce qui est en mouvement, de ce qui peut aboutir dans quelque chose de dynamique puis de concret. Puis là, à partir du fait que tu n'as pas d'attendre que la solution soit ça, il y a des solutions dans des choses que de toute façon, il faut que ça apparaisse comme une solution, mais que tu ne pensais pas que ça pouvait être prioritaire. Et en général, la personne qui a un ordre veut que les choses se passent à telle heure, de telle façon. Puis la personne qui suit la vibration, elle a plutôt tendance à voir qu'est-ce que la vibration lui permet de faire. Qu'est-ce qui peut s'exécuter, qui était à exécuter, qui savait qu'il avait à faire, mais qui laisse aux forces, qui laisse à l'énergie, qui laisse à la vie, qui laisse à ce que vous voudrez, Dieu, Mahomet, n'importe quoi, qui laisse les forces travailler pour vous emmener à faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis c'est bien intelligent. Je me suis déjà vu, moi, travailler sur le computer une demi-heure, me faire lever pour aller faire du ménage, me faire lever pour répondre à un téléphone, partir en consultation, revenir sur le computer après la consultation, puis revenir dans la même intensité que quand je suis parti du computer. Puis, travailler là-dessus, m'amener, pouf, t'arrêtes, ouvrez la porte à 10 chats qui rentrent, puis après ça, hop, on va manger, puis pouf, pouf, pouf, pouf, on revient sur le computer, puis on retombe en même mode d'intense, puis là, il y a quelqu'un qui... Là, t'es dans le punch, là, t'es en train de faire des coupures à la bonne place, puis là, tu sur le téléphone, je peux avoir une consultation tout de suite, au téléphone, oui, OK, c'est correct, ça marche, on part. Puis de se faire changer la dynamique, là, comme ça, là, 7, 8, 10, 15 fois. Puis le modus operandi là-dedans, c'est « je suis capable de m'adapter ». Et donc, je suis capable des solutions. Dans la mesure que tu es capable de garder ta flexibilité dans n'importe quelle situation chaotique, parce que le chaos, ce que ça exige, c'est de s'adapter. Si tu as de l'ordre dans le mental, dans le sens que tu restes toujours équilibré, fonctionnel, neutre, bien ajusté, tu vas toujours trouver une solution parce que ton ordre va te permettre, dans une lecture chaotique, de trouver un sens, une direction et un mode de fonctionnement. La vie est belle. Débalancé tout le temps. Quand est-ce que tu es débalancé? C'est quand le chaos extérieur t'envahit et réussit à retrouver ton chaos. Quelqu'un m'arrive, je suis au restaurant, puis c'est un jeune, mettons, il me connaît pas, je suis en train de manger. Mange pas ça, tu vas être gros. Je le suis déjà. Va-t'en là-bas. Continue de manger. Lui, ça n'a pas marché. Moi, ça ne me dérange pas. Je sors du restaurant. Je n'ai pas le goût de le battre. Puis lui, il pense qu'il sera vraiment capable de me battre parce que lui, il est petit. Pas de problème. Je me sens gros. Il rentre dans le restaurant. Mange pas ça, tu vas être gros. Je le regarde. J'ai le goût de le tuer. J'aime pas la face. Moi non plus, je t'aime plus. Là, tu commences ça. Puis on finit dehors à se battre. Mauvaise lecture. Son chaos est venu rejoindre mon chaos. Comprenez-vous? Son chaos ne rejoint pas de chaos en moi parce que j'ai de l'ordre. Pas de problème. Vous avez toutes des zones où vous risquez de vous faire taper le chaos. Puis vous faire mettre chaos. C'est ça que vous devez éviter pour ne pas vous faire débalancer. Si vous ne voulez pas être débalancé, il ne faut pas que le chaos que vous êtes capable d'identifier puisse être lu par les autres ou par quelqu'un qui est assez vibratoire ou assez sensible pour aller taper dedans. C'est une journée où vous allez dire « Ah ben moi, je n'ai pas le goût de voir mon frère ou ma soeur ou mon père ou ma mère ou mon boss ou mon ami ou quoi que ce soit parce que si elle me dit ça, je vais y sauter dans le visage. » C'est parce que tu sens un chaos en dedans de toi, puis que tu n'es pas capable de régler tout seul, puis si l'autre le voit, il va venir te le chatouiller, c'est plus fort que lui ou elle. C'est ça qu'il faut éviter pour être débalancé vibratoirement. Par contre, si vous êtes capable d'avoir une bonne lecture de l'autre, qui est capable de venir chatouiller votre chaos, vous pouvez dire, ah, ça c'est un bon partner de boxe. Mais je vais m'entraîner avant de me présenter dans le ring. Fait que tu t'arranges pour te présenter dans le ring quand l'autre, tu sais qu'il va tester ton chaos, puis toi, tu penses avoir fait assez d'ordre dans ton chaos pour pas qu'il te poigne. La vie est belle. Vous me suivez? Il y a toujours quelque chose dans l'autre qui réussit à aller notre faiblesse. Dans un couple, c'est ça le party. Il y a toujours un des deux partenaires qui va lire le chaos de l'autre. Il va dire... Tu sens tes pieds aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as mangé? Ou tu t'es-tu brossé les dents cette semaine? Ça me sent un petit peu de la gueule. Tu sais, fait qu'il y a toujours quelque chose dans l'autre qui vient nous chercher. Puis ça, si vous avez une mauvaise lecture de vous-même, vous ne serez pas capable d'endurer l'autre. Pourtant, c'est vous autres. L'autre vous met juste sur le spot des affaires que vous avez à trouver des solutions. Comprenez-vous? Fait que l'autre a des solutions à vous apporter. Pas vous apporter. Il déclenche en vous des comportements qui vont faire que vous allez refuser de prendre la solution ou que vous allez vouloir prendre la solution. Voulez-vous vous balancer ou voulez-vous débalancer? C'est pour ça que les couples, souvent, ça revient en règlement de compte. C'est parce qu'à un certain moment donné, l'autre, il vous met d'en face que, bon, telle chose, c'est pas que ça l'agace, mais ça a l'air à vous nuire. Puis, il pine, tu sais, parce que il vous aime, il veut que vous vous améliorez. Mais occultement, ça va plus loin que ça. C'est qu'il ne veut pas endurer votre chaos. Parce qu'il sait très bien que si votre chaos s'étend, il va finir par lui-même être victime de votre chaos. Et vice-versa. Ça se comprend-tu? Fait que si vous tombez en processus de lecture de vous-même qui est plus axé sur la solution, ben il va savoir que vous allez être plus autonome puis qu'il va avoir moins à traiter avec votre chaos. Avec un déséquilibre quelconque, puis que cette force-là, il va en bénéficier. Fait que c'est dans son intérêt que vous soyez dans un processus de solution. Puis que, mutuellement, vous vous aidiez à identifier des choses qui sont à corriger. Fait qu'un peut aider l'autre à se balancer, mais par le déclencheur. Il n'y a personne qui va vous balancer. Il y a des personnes qui vont vous déclencher pour avoir une meilleure lecture de vous-même dans un premier temps, puis éventuellement, qui vont vous indiquer certaines mises en vibration que vous êtes capable d'identifier par vous-même et puis qui vont effectivement vous mettre en processus d'action. Si vous refusez la manifestation de l'autre, au moins acceptez de vous laisser déclencher dans les zones de chaos que vous avez pour que vous êtes seul, là, parce que vous pensez être tout seul capable de régler la patente, mais qu'au moins tout seul, vous vous mettiez en mouvement pour justement ajuster votre propre chaos. Puis là, vous allez pouvoir balancer vos vibrations. Qu'est-ce qui balance les vibrations dans les faits? Il y a trois mouvements dans la vie qui doivent être, dans l'histoire d'une vie, maîtrisés par l'être, femme ou homme. C'est parce que l'évolution, ce n'est pas une affaire de femme ou d'homme, c'est une affaire de maîtriser la sexualité. Maîtriser la sexualité, ça ne veut pas dire mettre ça sous le registre de l'intellect. Ça veut dire ne plus être impressionné par la sexualité, ne plus être impressionné par l'argent et ne plus être impressionné par le rejet qui touche les jeux de la réputation, de l'image puis de la reconnaissance. Un individu qui est fragile dans un de ces trois secteurs-là a des grosses chances d'avoir une très mauvaise lecture de lui-même. Vous avez une mauvaise lecture dans votre sexualité, une mauvaise lecture dans votre finance, une mauvaise lecture vis-à-vis du rejet. Vous avez les trois, vous êtes un handicapé vivant. Il vous faut travailler et vous remettre sur pied. Il vous faut sortir de votre chaise roulante. Sexualité, c'est pas une affaire d'en avoir ou de pas en avoir, c'est l'affaire de pas être impressionné. Que tu en aies énormément ou que tu n'en aies pas pantoute, faut pas que ça t'impressionne. Faut pas que ça t'impressionne que les autres soient différents de toi. Il faut pas que ça t'impressionne de performer ou de non performer. L'argent, même chose. Le rejet, faut qu'éventuellement le rejet, tu comprennes ce que j'ai toujours expliqué, c'est que le rejet des autres, c'est une perte de contenance par rapport à ce que tu es. Si tu veux que les autres te contiennent, il faut que tu conviennes à leur lecture, à eux autres, de ce qui est acceptable. Tu n'es pas capable, mais à ce moment-là, fais juste constater que les gens ne sont pas capables de contenir ce que tu es, that's it. Puis que si c'est ça, ça n'est pas supposé t'impressionner outre mesure. Si ça a des conséquences négatives dans ta vie, il faut que tu vives avec, that's it. Un gars qui vit dans les igloos, qui n'est pas capable de s'adapter à des huttes en Afrique, on peut comprendre. Au Groenland, il n'est pas né en Afrique. Fait que le corps n'est pas adapté à cette situation-là. C'est pas du rejet, c'est de l'inadaptation génétique. C'est simple de même. Point final. Mais les gens sont attaquables dans le déséquilibre donc vibratoire et émotionnel et tout et tout. Attaquable sur le sexe, l'argent et le rejet. Donc, une personne qui est consciente de failles dans sa vie, parce qu'on a toutes des failles, on vit au monde tout croche, puis on s'est redressé avec les années en se déprogrammant. On a une programmation, pour certains c'est à chier, et puis on a avec ce karma-là, avec cette programmation-là, à faire la prise de conscience qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais corriger, puis d'autres qu'on va pouvoir corriger. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on peut corriger? Bien, on fait le maximum de ce qui est possible de faire pour corriger l'attitude ou la carence qu'on subit dans notre vie à cause de notre programmation et qui nous impose une ligne de pensée, une ligne de conduite qui nous donne une lecture difficile de nous-mêmes. Si vous êtes né dans un milieu pauvre, grosse chance que ça vous impressionne les gens riches. Si vous êtes né dans un milieu riche, il y a des grosses chances que ça vous énerve bien gros de voir des pauvres ou des gens qui sont indigents, parce que vous allez avoir l'impression que si vous êtes là-dedans, vous allez vivre une impuissance épouvantable. Au même titre qu'un pauvre, lui qui réussit à s'adapter à son milieu, il est fort dans son milieu, mais il peut se sentir profondément impuissant à être dans un milieu riche. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est pas évident de contenir de la richesse pour quelqu'un qui n'a pas eu gros dans sa vie, de se ramasser, mettons, à 40-50 ans, avec 45 millions dans ses poches, avec du monde qui sont venus au monde avec ça ou dans ce milieu-là. Vous allez voir que votre éducation de petits pauvres va vous faire penser pauvre, même riche. Donc, balancer ses vibrations, ce n'est pas d'avoir quelque chose au niveau de la forme. Balancer ses vibrations, c'est de ne pas être impressionné de la condition dans laquelle on est né. Si vous êtes capable de vous déprogrammer, c'est parce que vous êtes capable de voir ce qui vous a programmé. Parce que tu ne peux pas déprogrammer quelque chose que tu ne connais pas. Tu déprogrammes quelque chose que tu connais. Fait que tu es venu au monde dans un milieu pauvre, puis tu es conscient de ça, de tous les mécanismes qui font ça, puis de tous les avantages que ça donne. Parce qu'il y en a des avantages dans la pauvreté. Puis de tous les désavantages que ça a aussi en termes de ressources puis de moyens. Mais qui dit que tu as besoin de moyens pour bien vivre? Tu peux être pauvre puis bien vivre. Parce que dans ta tête, dans ton 3 pouces carrés, tu gères bien les impressions. Il y a des gens qui sortent dans des ermites, là, des Tibétains. Les Tibétains, c'est un bon exemple. Ils sortent dans des places à moines, là, des moineaux. Et puis, ils évitent. Ils évitent la société. Et puis, ils vivent dans un univers où ça mange pas gros. Puis ça prie beaucoup, ça médite énormément, puis ils sont riches de cet état-là. Puis je suis sûr que ça coûte pas mal moins cher que... Je pense qu'une job, pour moi, d'une semaine, ça les fait vivre pendant un an. Fait qu'il y a un avantage à être capable de rentrer dans cet univers-là. Comme il peut avoir un avantage à vivre dans le monde ou l'univers de Donald Trump ou des gens qui ont bien du cash dans la société. Mais il faut pas que tu en vis la différence. Il faut que tu regardes ta vie puis que tu affiches dans la vie que tu as l'autorité qui va avec ta condition. Un pauvre, ça fait peur à un riche. Fait que tu t'en vas voir un riche habillé en pauvre, il va avoir peur de toi. Il va te dire, comment ça fait, tu n'arrives pas bien habillé. Il a peur, là. Ça l'énerve. Tu arrives habillé comme lui, puis là, il est en sécurité. Toi, tu ne vis pas ça de même, tu vis ça comme genre, il va me rejeter, il ne m'acceptera pas dans son milieu. Mais si tu es bien dans ton milieu, comme tu es, là, tu ne seras plus sous l'autorité de son protocole puis de sa façon de faire. Vous me suivez? Au même titre qu'un riche qui est capable d'aller dans le monde des pauvres puis de s'habiller comme le pauvre puis de vivre comme les pauvres, il a moins peur d'être riche. Ça veut dire quoi, moins peur d'être riche? Il a moins peur de tout perdre. Parce qu'il est capable de lire qu'est-ce qu'il peut faire si jamais il perd tout. Il est plus fort qu'avant. C'est d'être plus fort vis-à-vis de la différence en étant soi-même, mais en étant capable d'aller voir l'autre. C'est-à-dire, tu commences par être toi-même, donc d'être selon ce que ta condition, donc ce que ta programmation t'a apporté, et éventuellement de te représenter dans un milieu qui est différent du tien, de rester toi-même, puis d'être capable d'apprendre les règles du jeu de ce milieu-là, qui va faire que tu vas avoir un plus à ta vie. Mais si tu cherches à apprendre à vivre les règles du jeu de l'autre pour les substituer à ton origine, bien là, tu vas être plus faible. Parce que ce qui est fort de ta vie, c'est ta naissance, c'est ton être, c'est comment t'es né. T'sais? Un individu qui vient au monde infirme puis qui est fort de son infirmité, qui dépasse les peurs qui vont avec son infirmité, il devient une autorité pour sa mesure. Puis s'il a à faire face à la mort, il va avoir été au bout de lui-même. Tandis qu'un individu qui aurait beaucoup de ressources puis qui fait un dixième de ce qu'il a avec ses talents, d'ailleurs, il y en a une affaire dans la Bible là, qui parle des talents, hein, qui il a un talent puis il fait rien avec, puis l'autre, je ne sais pas, en tout cas, il y a une histoire de même, vous lirez ça. Bien, c'est bien important de comprendre que d'aller au bout de sa ressource, plutôt que d'essayer de copier les ressources des autres, c'est ça qui te donne ta force, c'est ça qui te donne ton autorité. Et qu'éventuellement, ben, la reconnaissance que les gens ont de toi-même est basée sur la lecture que tu as de toi-même, et non pas une lecture qui est faite par une collectivité. Tu as de l'air d'eux, donc tu es ça. La personne, elle, qui a une bonne lecture de soi-même, c'est elle qui impose sa lecture. Moi, j'ai une lecture de force. Fait que j'ai de l'air n'importe quoi, je sois grippé, magané, mal habillé. Quand je m'assois sur une table, je dégage toujours puissant, tout le temps, tout le temps. Peu importe le calibre social de l'individu, je dégage toujours puissant. Parce que c'est moi qui impose ma lecture, c'est pas l'autre. L'autre, il va simplement essayer de me lire à travers des formes, des apparats, des apparences. Mais si vous êtes capable de vous lire vous-même à partir de vos origines, puis vous adapter éventuellement à la dynamique de l'autre, là, pas de problème. Je suis capable de me mettre en tuxedo. C'est juste du linge, ça, là. Mais il ne faut pas que le tuxedo, ça soit moi. Il faut que je sois moi, éventuellement, dans un tuxedo. Si la personne, elle est ce qu'elle a l'air, elle n'est rien. Si elle est ce qu'elle est et qu'elle se donne un air, bien, elle habite l'air qu'elle a. Vous me suivez? T'sais, on va demander à un musicien qui mette ses tripes à la table, mais on lui demande aussi un bon show. Il y a des gens qui font des très bons shows, puis ils ne mettent pas leurs tripes à la table. T'sais, j'ai entendu dire que Céline Dion avait pleuré là, parce que les Français ils avaient chanté une chanson que sa mère avait écrite. Là. Ça ne la diminue pas, la madame. Là. Elle va être encore plus populaire, la madame. Là. Pourquoi? Parce qu'elle est elle-même. Elle pleure tout le temps. T'sais, c'est dans son genre. Puis elle dégage fort, pareil. Quand elle embarque sur le stage, là, même si elle a broyé, là, elle reste toujours un élément d'autorité. Tu comprends-tu? Elle ne se laisse pas écraser par l'impression qu'elle a pleuré. Fait que là, on va dire, elle a des tripes. Pourtant, il y a du monde qui chante aussi bien qu'elle, dans bien des niveaux, là, des Barbra Streisand, ça a cote, là, tu sais. Mais elle a un petit quelque chose, un petit piment québécois, là, qui fait que, oups, là, tu sais, arrête ça, là. Elle est elle-même. Elle a une bonne lecture d'elle-même. Quand elle arrive dans la solution, après, là, pour elle, là, c'est simplement de l'exécution. Il n'y a pas de trouble. La vibration d'un autre, ça va vous traverser. Parce que la vibration d'un autre, c'est une lecture des forces pour la force de l'autre. Il y a un double à tout le monde. Hein? Quand un double lit l'autre double ou lit l'expérience karmique de l'autre, ça se transmet double à double, parce qu'eux autres ne sont pas gênés entre eux autres. Puis là, l'information psychique qui est transférée à l'autre mental psychique, ça descend automatiquement dans le canal de la personne, même si la personne ne parle pas, ne vit aucune forme de manifestation physique vis-à-vis de l'autre. La vibration, ça se passe même en dormant. Fait que moi, souvent, je travaille, puis je sais que la personne ne m'entend pas, ne me comprend pas, ne veut pas me comprendre, mais je passe la vibration. J'ai appris ça d'un de mes bons copains, Bernard. Tu passes la vibration, puis laisse travailler. La graine est dans le sol, le chêne y va pousser. Un gars n'est pas fin avec sa femme. La femme, elle vient me voir, puis elle n'est pas capable d'y faire passer la vibration. Mais incapable d'aller chercher émotionnellement. Mais l'émotion, ça fait juste empirer son comportement macho. Il n'y a pas de force dans l'émotion. Il y a juste la faiblesse. Quand elle vient me voir, je dis, ouais, je comprends. Je téléphone au gars. Moi, j'y passe la vibration. Puis là, le changement vient de commencer. Parce que moi, je n'ai pas d'émotion, je ne couche pas avec. OK. Puis il ne peut pas me pogner d'une faiblesse. Mais il peut me pogner d'esprit à esprit. Fait qu'on peut parler de baseball, de hockey, de n'importe quoi. La vibration passe. L'information n'est pas importante. C'est comment ça vibre. Là, il se passe quelque chose. Ça, ça traverse quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent vous balancer parce qu'ils sont capables de lire votre esprit. Moi, il y a des gens qui viennent me voir et disent « Je suis bien quand je suis avec toi. » C'est parce que je ne te parle pas psychologiquement. Je te parle pour que c'est psychiquement, ça connecte. Fait qu'on peut parler de n'importe quoi. D'ailleurs, il y en a plein qui arrivent avec des questions. Ils arrivent, ils s'assient devant moi, ils sortent le papier et disent « C'est drôle, je n'ai pas de questions. » C'est parce que la lecture est psychique. Elle est dans les perceptions vibratoires. Elle n'est pas dans la perception intellectuelle. Comprends-tu? Bon. Si vous avez des problèmes avec votre milieu, en général, vos problèmes, ils viennent d'une charge émotionnelle. C'est que le milieu vient comme pleuvoir sur vous autres. Il vient établir un environnement désagréable. Si vous êtes capable de faire confiance à la puissance de la vibration, vous n'aurez rien d'autre à faire que de vibrer. Puis il y a des choses qui pourraient normalement pas se régler, qui vont se régler tout seul. C'est eux autres les forces qui rendent le show. Ce n'est pas l'humain qui rend le show. Il faut que tu fasses confiance à une force vibratoire qui ne répond pas à tes besoins égoïques puis qui ne répond pas aux besoins égoïques de ce que tu appelles, en guillemets, tes ennemis. Ce qui doit être mis dans un ordre va être mis dans un ordre, mais il ne faut pas te perdre la vibration. Il faut toujours que la vibration soit bien claire dans ta tête. La clé, c'est de comprendre que la vibration, c'est plus fort que la forme. Bernard, il a mis beaucoup l'accent dans sa vie pour démontrer ça. Puis moi, je pense que sa preuve ultime, c'est à travers sa santé, sa maladie. Il a démontré que le mental pouvait être plus fort que toute la souffrance qui pouvait s'imposer sur un être humain à travers de la santé. On vit au monde avec une programmation. Puis qu'on a à faire le constat de ce qu'on est. OK? On a à le constater. Puis quand on constate ce qu'on est, tu sais, moi, je suis né dans une famille de gros. Je suis le plus petit de la famille. Je constate que je suis dans une fat family, une grosse famille. Pas en termes de nombre, mais en termes de poids. Je ne peux pas nier ça. Je peux vouloir corriger ça, mais je ne peux pas nier ça. Moi, j'en ai pris conscience, puis j'ai dit, je veux sortir de cette famille-là, sortir de cet état d'esprit-là. Mais il faut que tu acceptes que tu es ça, puis que tu surveilles ça. Le problème du monde, dans le problème de lecture, c'est qu'ils vont nier. Ils vont nier être quelque chose, puis ils vont essayer d'être d'autres choses. Comment tu veux corriger le d'autres choses que tu n'es pas? Tu ne peux pas avoir de solution pour la chose que tu n'es pas. Donc, le problème des gens qui ont une mauvaise lecture d'eux-mêmes, c'est qu'ils ne veulent pas être eux-mêmes. Ils veulent être d'autres choses qu'eux-mêmes. Parce que là, eux-mêmes, ils ne veulent pas l'afficher ou l'affronter. Parce qu'ils en ont honte. Tu en connais assez sur toi-même pour sentir que tu es capable de te servir des jetons que tu as. Parce que ce qu'on a comme ressource, c'est notre valeur d'échange. Tu as une valeur d'échange dans la vie. Tu as toujours une valeur d'échange. Quand tu te connais bien, tu as une valeur d'échange. Quand tu ne te connais pas, tu as une valeur d'échange, mais c'est l'autre qui en profite parce que c'est lui qui définit les prix. Il va te donner le prix qu'il veut parce que tu ne te connais pas. Quand tu t'adaptes à la dynamique de l'autre, c'est que l'autre, dans sa dynamique, qui est dans un process d'échange, puis pour t'adapter avec, il faut que tu négocies ta valeur d'échange avec sa valeur d'échange. Et s'adapter, c'est comme convenir dans une sorte d'association ou de contrat à qu'est-ce qui fait son affaire, qui fait que lui, ce qui te retourne, ça fait ton affaire. Là, tu sais, si nous autres, on fait une entente, je te dirais, écoute, je t'achète une tonne d'ail, puis que toi, ça fait ton affaire de le produire, bien, la tonne d'ail que je t'achète, on établit le prix, puis moi, le prix, si je l'accepte, c'est parce que je suis capable de faire quelque chose avec, qu'on s'est adapté mutuellement. Ce qui montre ta vibration, c'est le respect que tu fais vivre aux autres. Ça, c'est ça qui fait. Puis c'est le respect que tu imposes des autres à ta personne. C'est ça qui montre ta vibration.